Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Tableau de chasse, une série de Marie Guérin réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a des traditions qui se perdent, et ce n'est pas si grave. Des chasses mythologiques, l'héritage de l'ancêtre chasseur-cueilleur, et le souvenir des invasions de lapins. Et puis il y a le plaisir d'enregistrer dans les bois, et cette question, qu'est-ce que ça fait de tuer un animal d'une balle dans la peau? Alors pour commencer, les personnages. Un curé surpris par la foule, un maire aux portes de Brocéliande, un forestier modéré, un joueur de corps enthousiaste, des chasseurs sachant chasser, un propriétaire héritier, un ancien ministre repenti, des promeneurs frustrés, des cousins à particules et des habitants qui veillent au grain. Ensuite le décor, un saint, une messe perturbée, une galette saucisse, un bar tabac, une chasse à cours, l'abbaye de Pimpon, le tourisme, des cerfs qui broutent, un tas de betteraves, des chiens qui piaffent, une forêt privée comme une entreprise, des chartes anciennes, des intérêts inconciliables et finalement la lutte des classes. Aujourd'hui, premier épisode, on passe un coup de fil. Oui, allô. Bonjour. Oui, je cherche à savoir qui officie à l'abbaye de Pimpon. Sion. Je cherche à rentrer en contact avec le prêtre de l'abbaye de Pimpon. Alors, je vais venir faire un reportage sur la forêt. Oui. Et sur la chasse en forêt. Et je voudrais avoir des renseignements et rencontrer un curé qui me parle de la messe de la Saint-Hubert. Promenons-nous dans les bois quand le chasseur n'y est pas. Je m'y connais peu, moi, pour la Saint-Hubert. Un documentaire de Marie Guérin et de Guillaume Baldi. C'est une famille qu'il faudrait avoir pour ça. D'accord, quelle famille à votre avis? Ah ben, c'est la famille Le Wallès, le château de Pavillon, là. D'accord. Alors, est-ce que vous accepteriez... Si vous voulez avoir le père Butera, faut téléphoner à Plélan. Très bien. C'est curé, ça. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui. Enchanté. C'est le père Protogène, oui. Bonjour. Père oui. Protogène. Oui, Butera. Butera. Ah, oui. Ah, je disais Butera. Oui, c'est Butera. Oui, c'est... Même les gens disent, ah, vous avez un accent. Ce qui est normal, j'ai un accent rwandais. Alors là, nous sommes là pour faire un reportage sur le massif forestier de Pimpon, qui correspond à votre paroisse également. Et du coup, c'est un lieu où la chasse est importante, où on chasse beaucoup. Vous ressentez ça? Par exemple, pour la messe de Saint-Hubert, vu la fréquentation que l'église prenne ce jour-là, les gens qui viennent de partout... On peut s'imaginer que ça intéresse. Personnellement, moi, ça me posait un problème de disant comment les gens font cela comme un métier presque professionnel avec les chiens qu'on doit bénir, tout ça. Ça, je disais, pourquoi on fait bénir les chiens alors que la bénédiction s'est réservée pour les hommes? Je peux vous appeler Protogène? Bien sûr. Qui était Saint-Hubert, Protogène? Oui, Saint-Hubert, je ne le connaissais pas avant de venir, bien sûr, en France. Mais j'ai essayé de comprendre. Dans la légende qu'on fait de lui, il s'est converti par le fait que quand il a rencontré un cerf, dans son bois, il y avait la croix. Alors quand il dit « Hubert, pourquoi me poursuit-il ? » Il s'est converti. On peut dire que on peut y trouver là aussi en même temps la protection. Les animaux sont à protéger. Mais aussi la forêt peut être un lieu et de conversion et de renouvellement. Par exemple, cette année, comme il y avait des gens qui étaient contre la chasse, Il y a un moment où on voulait supprimer la messe, parce qu'on disait, de toute façon, il y aura des manifestations. Et je dis, c'est la prière. Vous allez faire en sorte que vous montrez que ce que vous faites est bien. Ce n'est pas parce que vous faites la chasse que vous ne pouvez pas respecter ou bien protéger les animaux si vous le faites suivant la loi. Alors on a maintenu la messe et ça a été bien. Ici, selon vous, quelle est la fonction de la chasse? À regarder, je dirais que c'est plutôt pour le plaisir, parce que ceux qui le font sont des gens qui ne manquent de rien. Bonsoir. Galette saucisse. C'est ça, la plus bonne du coin. Chez l'Odéon. Chez l'Odéon, c'est ça. Venez. Tu prends ton rhum sec, c'est pour quand là? Bah pour aujourd'hui. Oui, mais tu manges quand? Pour demain. Ouais, parce que c'est pas pour Noël, parce que ça fait trop longtemps. Il était une fois une forêt. Au cœur de cette forêt, une commune, Paimpont. Et des touristes qui arrivent en masse, 38 000 visiteurs en 2011, 100 000 aujourd'hui. Au centre de la commune, une boucherie, bar, distributeur automatique de billets, restaurant, tabac, traiteur. La boucherie fournit en saucisses toute la communauté, ainsi que les touristes et les maisons forestières, ces lieux où les chasseurs se réunissent et fêtent chaque année la Saint-Hubert, leur saint patron. Bref, au carrefour de la magie du lieu et de l'exploitation forestière privée, la boucherie tire profit de tout ce qui fait vivre la commune, le tourisme cynégétique et la chasse. Le boucher a même été invité à voir les Gypsy Kings dans une maison forestière. Car quoi qu'il se passe sur la commune, et même s'il y a conflit d'usage, le boucher, lui, a son laissez-passer. La saucisse lui ouvre toutes les portes. Quand j'ai poussé la porte de la boucherie, bar, distributeur automatique de billets, restaurant, tabac, traiteur, j'étais attendue. Par le bouche à oreille, l'annonce de ma venue avait circulé, comme par enchantement. Et vous allez aborder le thème de la chasse sur la forêt de Brocéliande, c'est ça? Non. L'histoire de la forêt privée, d'accord. La gestion d'une forêt c'est un privée. Sujet, hautement. Bah, c'est un sujet qui est politiquement qui est compliqué. La chasse. On s'en rend compte. Salut, jeune homme. Bernard. Ça va? On est à l'abbaye de Paimpont. La mairie se trouve dans le même bâtiment. Et la bibliothèque aussi, la médiathèque de Paimpont. On est dans un lieu du 18e, quoi. Et la particularité, c'est d'avoir aussi un fonds qui est propre au massif de Brocéliande, à la disposition des curieux de nature. Henri de Ranlo, je suis maire de Maxan, petite commune rurale de 1500 habitants près de Plélan-le-Grand. Plélan-le-Grand, c'est la porte d'entrée de la forêt. Et je suis vice-président de tourisme et culture à la communauté de Brocéliande, communauté de communes. Donc c'est vrai que la forêt de Paimpont, on dit le massif, hein, parce que c'est plus large que la partie forestière, hein, ça inclut les landes et ses parties prenantes, donc est à la fois une forêt fermée et en même temps une forêt partagée. Donc ça suppose une cohabitation à l'amiable et qui n'est pas facile. La forêt, elle est très majoritairement privée, donc elle est exploitée bien sûr pour la sylviculture, ça va de soi, mais c'est la chasse qui est la première économie de la forêt. Que ce soit la chasse à cours, la chasse en battue, en période de chasse, c'est pratiquement tous les jours qu'il y a des chasses ici. Donc ça se loue et c'est une économie. Excusez-moi, je vous coupe juste. Est-ce que cette économie revient à un moment donné à la commune ou à la communauté de communes? Non, pas du tout. C'est une forêt privée, c'est donc une économie comme une entreprise, on pourrait dire, sauf que vous avez dit une multitude de propriétaires et d'actionnaires pour cette exploitation de chasse. Le nom de Brocéliande est connu dans le monde entier, qui frappe l'imaginaire, et on part d'une littérature 12e, 13e, 14e qui s'enrichit. Donc on a un lieu qui est connu, de haute réputation. À ce lieu, évidemment, on a des mégalithes qui ont une histoire qui n'a rien à voir avec une histoire humaine qui n'a rien à voir avec la mythologie ou le légendaire arthurien. Mais au fin 19e siècle, tout cela s'est confondu. Donc ainsi, ce qui restait du démembrement d'une allée couverte, il y a deux roches, on a qualifié ça de tombeau de Merlin. Et vous voyez comment on fusionne les deux. Donc les touristes veulent voir tout cela. Bonjour, bonjour. La nuit en Bretagne s'est bien passée. Alors nous voilà ici donc à la Porte des Secrets et à l'office du tourisme de Brocéliande. Et on prête à cette forêt de Brocéliande des qualités, des vertus ou un imaginaire qu'on ne va pas trouver ailleurs et qu'on vient chercher ici. Donc toute la difficulté, c'est d'arriver à s'entendre entre nous tous. Donc quand on dit le tous, ça inclut les propriétaires forestiers avec lesquels nous passons des accords, des conventions qui nous permettent de réguler autant que faire soit possible ce fameux flux touristique. Le touriste ne doit pas empiéter sur cette partie de chasse. Donc nous, on comprend la demande des propriétaires forestiers et en fait, c'est nous qui sommes la garantie pour eux, finalement, qu'ils soient le moins perturbés dans leurs activités. C'est-à-dire que mieux on régulera le tourisme, et plus la propriété sera respectée, et notamment en période de chasse. Donc, on est contraint de s'entendre. Chut ! Installez-vous silencieusement sur les troncs. Bon, tout le monde est installé ? Alors, je me présente. Je m'appelle Pierre. Je suis garde forestier en Brocéliande. J'ai eu un guide extraordinaire, mon grand-père. Un homme simple et généreux qui m'a transmis son amour de la forêt. C'est lui qui m'a appris qu'il n'y a pas une seule Brocéliande, mais plusieurs. La forêt réelle, avec ses arbres, ses animaux, mais aussi la forêt imaginaire, pétrie de légendes, de contes et de croyances venues du fond des âges. C'est à moi de partager Brocéliande avec vous. Du coup, on est où, Pierre ? Alors, on se retrouve en haut de la côte de Beauvais, en fait, dans la propriété du groupement forestier du Val des Fées, un groupement forestier familial qui appartient à la famille de Courville, aux enfants de Courville. Pierre Brossier. Alors ici, on a plusieurs enjeux aménagés. On a la forêt, le propriétaire, il doit gérer durablement sa forêt, donc il produit du bois, mais pas que. Mais on a un souci ici, c'est qu'il y a beaucoup de cervidés et ils nous entravent un peu dans la gestion. Donc on a installé ici un petit enclos pour montrer en fait quel était leur impact. Parce qu'on les voit très rarement, c'est des animaux qui savent se cacher très bien, mais ils sont très présents. Donc ici vous voyez très bien, dans ce petit enclos où ils n'ont pas accès, on a une diversité floristique qu'on n'a pas ailleurs. On a des bouleaux, on a des chênes, on a des châtaigniers, on a des houx. À l'extérieur, si vous regardez, on n'a rien. Ils ne nous arrivent même pas aux genoux, les arbres. Ils ont tous été systématiquement abrutis, broutés par les cervidés. Donc l'enclos, il avait été installé pour montrer aux chasseurs qu'on avait besoin d'eux, qu'on doit être des partenaires, mais il faut qu'on sache travailler main dans la main. Et ça, c'était fait pour initier le dialogue et leur montrer, regardez, vos animaux, ils sont bien gentils, on les aime bien, on en veut dans la forêt, on ne veut pas les exterminer, ils font partie des écosystèmes, mais il y en a trop par rapport à ce que le milieu peut supporter. Et les propriétaires forestiers du massif de Pimpon sont-ils ouverts à la discussion ou plus ou moins quels sont les... Oui, ils sont ouverts à la discussion, mais ils sont comme tous les propriétaires. Quand ils parlent avec le forestier, ils veulent faire pousser la forêt. Quand ils parlent avec les chasseurs, ils veulent des animaux. Et ils ont parfois un peu un double langage. Par contre, avec le comité touristique, ils ne veulent pas de touristes. Ça, c'est certain. Si. Non, ils ne sont pas fermés là-dessus. Ils les veulent, mais ils les veulent sur des chemins, à des endroits où ils commettront pas de bêtises. Ils savent que le tourisme, quand même, c'est très important localement. Ils sont pas fermés là-dessus. Le tout, c'est de réussir à gérer les conflits. C'est pas simple. Il faut trouver un équilibre entre la forêt et le gibier, entre les touristes, les activités forestières. Ah, c'est Trian, ça. Non ? Allez, je pense que avec ça, ça va vite. Plus doucement. Je peux vous faire les adieux à la forêt de Pimpon. Monsieur Gilbert, Philippe, votre travail de garde forestier, vous le faites pour plusieurs propriétaires forestiers ou... Oui, le groupement comporte une quinzaine de propriétaires forestiers. C'est un groupement familial. C'est ces quinzaines de propriétaires qui sont de famille, issus de famille. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Nous avons un dépôt de betteraves fourragères destiné aux grands animaux, c'est-à-dire les cerfs et les biches, pour... limiter les dégâts agricoles. Donc on instaure des 20 points d'agrainage sur le massif de Pimpon pour limiter l'accès aux cervidés dans les champs, dans les terres agricoles, pour les dégâts notamment sur les colzas en ce moment. Ça n'est pas que pour ne pas nuire aux exploitations, c'est également par rapport à la chasse. Oui, mais c'est surtout pour en prévention des dégâts des dégâts agricoles. On veut garder une bonne entente entre les agriculteurs, les forestiers et les chasseurs aussi. Il faut contenter les actionnaires. Oui, bien sûr, mais bon, on se contente de ce qu'on nous offre au plan de chasse. Les chasseurs, contrairement à ce qu'on peut penser, sont plutôt des protecteurs. Et ils ont tendance à empiler les animaux. Ils en veulent beaucoup pour que quand ils chassent, il y ait des animaux. Mais beaucoup, ça veut dire des atteintes à la forêt. Et sur ces massifs ici, on est sur des roches mères très pauvres, le grès armoricain et les schistes pourpres. Donc on a dans le sol très peu d'éléments minéraux. Donc on a des forêts très pauvres, où il y a peu de diversité pour manger, pour les animaux. Et donc ça ne supporte pas des quantités d'animaux très importantes. Et c'est des animaux sauvages. Sauvages, ça veut dire qu'on ne les nourrit pas. Alors, c'est la forêt qui doit les nourrir, sans apport externe. Qu'est-ce que vous pensez des tas de betteraves ? Pour moi, ça ne devrait pas exister. La forêt, c'est sauvage, les animaux, ils sont sauvages. Il y a des capacités d'accueil, le milieu il peut supporter un certain nombre d'animaux et pas plus. Donc, c'est de l'élevage et on n'est plus en forêt. Après ça peut se comprendre, hein. On peut avoir des objectifs plus cynégétiques que forestiers, ça je peux le comprendre, mais il faut quand même que les animaux restent sauvages et que les forêts restent sauvages, quoi. Et nourrir les animaux artificiellement pour entretenir les populations, ça peut se concevoir dans des parcs dédiés, mais pas dans des forêts naturel, on va dire. Le premier revenu de la propriété forestière, c'est la chasse. À court terme, oui. Ouais, c'est un brocard. Ouais, mais pour moi, il y avait. Ils étaient sur le sanglier, puis il y a un chien qui a déconné, et ils sont tous revenus dessus. Mais au début, ils devaient. Les chiens sont repartis. Bah oui. À mon avis, le sanglier doit monter vers. Ouais, le chevreuil, ils ont dû le prendre au bord de l'étang. Là. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas, c'est vous le chef. Ils sont où les chiens? Les chiens sont repartis de mon déforge chassant. Ils sont remontés là-haut là? Ils remontent là. Ah ouais. Mais ils chassent encore? Bah, ils chassent encore, parce que du coup moi je pensais qu'ils étaient à la connerie et du coup les chiens refont demi-tour. Mais est-ce que tes chiens chassent encore? Ah bah là les chiens ils rechassent droit à retourner vers le Perret. Droit vers le Perret? Ouais. Et ben on va suivre ça. Puis bon, on suit ça. Faut y aller. Hein. C'est parti. Bon les gars. On va prendre la ligne du pendu à ce moment-là. Ah, c'est quoi votre journée aujourd'hui? C'est la forêt? C'est quoi? C'est la chasse? On a passé la journée en forêt avec Philippe Gilbert, garde forestier. Puis avec Pierre Brossier, c'était passionnant. Puis avec vous. Et voilà. Ouais. Vous connaissez la chasse, non? Pas du tout? Pas du tout, j'y connais rien. Bon. c'est pas quel est l'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est plus l'activité sylvicole, cynégétique, je sais pas. L'objectif d'un forestier, elle est de deux natures. Hein. La première chose, c'est de gérer la forêt au niveau sylvicole. Ça, c'est le premier poste. Après, gérer la forêt au niveau équilibre faune-flore, donc c'est le deuxième poste. Et le troisième poste, qui est un peu particulier à Paimpont et à Boisseliande, c'est gérer le tourisme. Donc on n'est peut-être pas là pour parler du tourisme. Du coup, monsieur Alain Le Goualès de Mézobran, oui, vous nous accueillez sur votre parcelle forestière. Vous êtes forestier, vous êtes directeur de chasse également, c'est ça? Oui. Adjudicateur. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes dans un domaine forestier, qui est un groupement forestier, c'est-à-dire que c'est une société forestière qui a été mise en groupement avec mes enfants. Et donc j'assume la gérance de ce groupement forestier au niveau sylvicole, et en même temps j'assure la direction de la chasse à tir sur cette entité forestière. Forestier, c'est pas un métier qu'on choisit, on en hérite. Alors on en hérite, bien entendu. Moi, j'ai eu la chance d'hériter de ce domaine forestier de la part de ma famille, qui est propriétaire ici depuis un certain nombre d'années, 120 ans à peu près. Et quel est le revenu principal d'un propriétaire forestier? Alors, le propriétaire forestier, il a deux types de revenus. Le revenu sylvicole, de l'exploitation des bois. Et le deuxième revenu, c'est la chasse. Alors, comment il tire des revenus de la chasse? Le revenu de la chasse, l'équipe de chasse, bon, c'est un groupe constitué de 19 personnes qui payent un droit de chasse pour chasser ici sur la forêt. Donc, il y a 21 battues au gros gibier. Hein, qui sont organisés par moi-même. Hein. Ça coûte combien l'action? Ça coûte aux environs de 2 500 ou 3 000 euros l'année. Ça dépend des chasses. J'ai appris à aimer la forêt d'une façon passionnelle. Je veux dire que chaque fois que j'entendais un arbre tomber en me promenant, j'avais mal. C'était une douleur. Puis un jour, j'ai découvert que... Edgar Pisani, 1997. Que l'on coupait des forêts, pour employer l'expression technique, à blanc et toc. C'est-à-dire que celui qui venait d'acquérir la forêt pouvait la ravager pour se payer de l'achat qu'il avait fait en vendant les arbres. Et puis ensuite, advienne que pourra. De là, la position que j'ai prise par la suite sur les forêts de France, dont j'ai modifié le statut, à la fois en créant l'Office des forêts pour une gestion plus dynamique de la forêt domaniale et en soumettant la forêt privée à une réglementation très rigoureuse. Mais actuellement, la forêt française est plus importante qu'elle n'était il y a 20 ou 25 ans, non? Elle grandit. Elle grandit, c'est ça. Vous avez fait de la forêt, en somme, n'est-ce pas? Vous êtes un foresteur. Oui. Qu'est-ce que c'est sans forester pour vous? Sans forester, c'est un terme que j'utilise pas dans mon vocabulaire. Laurent Goulert. Je sais pas, en hiver, en été, sous la pluie. Ouais, sans forester, pour moi, ça voudrait dire s'immerger totalement dans la forêt. Ça veut dire, à un moment donné, disparaître un peu et laisser la forêt apparaître. Ça veut dire se mettre en disposition pour pouvoir... sentir les choses, voir les animaux avant même qu'ils ne vous voient. Donc être suffisamment immergé. Ça voudrait dire ça pour moi, sans forester. Vous le faites encore? Je le fais moins. La forêt est fermée, j'ai plus la possibilité de pouvoir le faire. J'ai une fille, je suis plus âgé. Parfois, je me fais, pendant les vacances, je me fais une petite session en solitaire en forêt. Elle est fermée. Comment ça, elle est fermée, la forêt? Il y a des grillages, il y a des gardes, donc il est interdit de se balader. On peut marcher sur des chemins de randonnée, en dehors des périodes de chasse. On ne peut pas aller à travers bois. Bon, il y a une partie de la forêt qui est minoritaire, où il va y avoir 400 hectares. Donc la forêt domaniale, où on peut encore faire ça. Mais 400 hectares, c'est vite traversé. En fait, le problème maintenant, c'est les frontières. Les frontières sont ultra marquées, c'est-à-dire on va passer de l'agriculture intensive à un grillage et ensuite de la forêt privée. Alors il y a quand même des zones de lande qui sont des intermédiaires qui sont plus intéressantes, parce que dans les zones de lande, on n'est pas sur la grande propriété privée, on est sur de la petite propriété la plupart du temps. Donc là, on a cet intermédiaire. Mais sinon, on a ces coupures nettes et on a accès à rien, quoi, ni à l'un ni à l'autre. Où est la nature en fait? On se demande. Au cœur de chaque forêt se trouve un arbre maître. Eh bien, la nature est là, à l'office du tourisme. Oh, n'attendez pas de moi que je vous dise où se trouve celui de Brocéliande. Brocéliande est une destination, le tourisme un flux, qu'il s'agit de réguler tout comme le gibier pour maintenir un équilibre sylvico-touristico-cynégétique. À vous de trouver le vôtre. Comme le gibier, le touriste est agréné. On le fixe sur quelques spots, soit 20 points d'agrénage que l'on trouve sur une carte à retirer dès son arrivée à l'office du tourisme. De sentir les présences invisibles. Laisser emporter par le murmure du vent et le souffle. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on croit ou on ne croit pas à Brocéliande. Allez, je vous laisse. Mais c'est vrai que quand on dit que Brocéliande... Bon voyage. Bah, c'est une forêt où tout le monde se déplaçait à cheval du temps des chevaliers. Si maintenant on trouve une clôture à chaque fois qu'on se déplace, c'est pas du tout le rêve de Brocéliande. Je peux vous dire que les gens, quand ils viennent à Pimpon, ils se posent la question, où est la forêt de Brocéliande? Et on nous la pose souvent. Rémi Roux. Le tourisme, en fait, il va pas dans la forêt. Pour moi, c'est un faux problème. Le tourisme, il a tendance à aller vers les sites, en privilégié sites. Mais ces derniers temps, les propriétaires ont fermé leurs parcelles particulièrement, ou depuis quelques années? Ah ben, les parcelles sont fermées de plus en plus, oui, c'est sûr. Il y a des barrières de tous les côtés, oui, ça, on sait, ça, oui. C'est visible, hein, on se promène dans Pimpon, il y a des barrières à tous les carrefours, quoi. Bon. Dans un premier temps, c'était pour empêcher effectivement des circulations véhicules, je pense, ça c'était bien. Bon, maintenant, c'est vraiment de la barrière pour empêcher toute pénétration, quoi. Donc ça, c'est un petit peu le problème que ressentent les gens de Pimpon, quoi. Plus aussi des contrôles d'éco-gardes. Ça, c'est ce qui a choqué beaucoup les gens, d'ailleurs. Puisque même le long de ces routes, si vous avez peur de vous faire culbuter par une voiture, vous rentrez un petit peu dans cette bande déboisée, ben, les éco-gardes peuvent vous sortir. Mais j'ai plusieurs exemples comme ça, quoi. Donc c'est un peu dommage, quoi, parce que ça rime à pas grand-chose. Quand vous êtes vieux pimpontais, que vous avez 75 ans, que vous avez marché dans la forêt depuis votre jeunesse, et puis qu'on vous dit au bout du troisième coup, ben, vous sortez parce que le prochain coup, je vous verbalise. Là, je peux vous amener des témoins, il y en a plusieurs. Hein. Et donc, c'est vrai que ça passe mal. Il faut bien qu'ils se mettent dans la tête quand même que ça passe mal vis-à-vis des gens de Pimpon. C'est des gens qui sont... Les éco-gardes, ce n'est pas des gens qui sont d'ici, quoi. Ce n'est pas des gardes qu'on avait habituellement dans la forêt qui nous connaissaient. Donc, ceux-là, ils passent un petit peu. Surtout que, bon, quand on ne fait que se promener, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire comme dégâts. Mais bon, moi, je ne remets pas en cause la propriété privée. Hein. Moi, j'ai acté, hein, je ne vais plus dans la propriété, je ne vais plus dans la forêt. C'est acté, on m'a dit de plus y aller, j'y vais plus. Simplement, bah, maintenant, il va falloir aussi qu'on ait quelques petites soupapes pour décompresser. Quoi. La forêt de Pimpon, la forêt de Brocéliande, je remontais à un texte de 1467, donc les usements et coutumes de la forêt de Brocéliande. C'est un texte qui est rédigé pour les seigneurs de Laval. C'est-à-dire que c'est une forêt seigneuriale pendant tout le Moyen-Âge. Et il va y avoir un grand changement au XVIIe siècle, vers 1650. Le comte de Laval va vendre la forêt pour régler une partie de ses dettes. Et des forges vont être créées. Donc à partir de 1150 jusqu'à la fin du 19e siècle, les propriétaires de la forêt sont aussi les propriétaires des forges de Pimpon. Donc il faut considérer que la forêt, elle est à l'époque médiévale comme à l'époque des forges, elle est d'un seul tenant avec un seul propriétaire. Ou alors différents propriétaires qui la possèdent en société, en un seul tenant. Et si on revient au texte, à la charte des usements, quels étaient ces usements pour les habitants Alors, c'est assez complexe. Disons que la charte des usements, elle va définir pour chacun des habitants de la forêt ce qui a le droit et ce qui n'a pas le droit de faire. Donc, ça dépend à quelle communauté on appartient. dans quelle partie de la forêt on est. Est-ce qu'on est noble? Est-ce qu'on est moine? Est-ce qu'on est abbé? Donc pour chacun, il va y avoir des règles différentes. Ensuite, ce texte, c'est un texte qui réunit des textes médiévaux antérieurs et qui avait aussi pour but, dans certains des chapitres, de faire venir des habitants pour favoriser l'économie locale. Bon, économie locale. Économie du seigneur, mais économie forestière. Et ce texte, il s'est trouvé complètement bouleversé à partir du XVIIe, vers 1150, puisqu'en fait, les intérêts des créateurs des forges de Pimpon divergeaient totalement avec les intérêts du seigneur. Pour redonner accès à la forêt aux habitants, c'était souvent contre-productif, puisque eux, ils avaient besoin de l'ensemble de la forêt pour la transformer en charbon de bois, pour l'utiliser aux forges de Pimpon. Paul, voilà de sympathiques personnes qui s'intéressent à Brocéliande. Tu perpétues un savoir-faire qui remonte au temps où Brocéliande était une forêt industrielle. Guy de Courville. Et on est ici le long d'un étang, hein, et cet étang, il dessert les forges, hein, et l'eau qui est collectée ici, elle arrive de toute la forêt à travers un réseau de canaux qui amène l'eau jusqu'au lieu industriel. C'est à la fois donc un lieu naturel, la forêt, c'est un élément naturel, l'eau, mais tout est en même temps canalisé par l'homme. Tout est organisé, aménagé, de manière à ce que l'homme puisse y vivre et y avoir ses activités. Alors, il y a votre cousin, c'est ça? Voilà. Monsieur de la Pommelière? Voilà, c'est ça. Enchanté. Oui, venez, rentrez là, on sera mieux. Vous êtes tous les deux issus de la famille de Luc Lévesque, du coup. Pas Luc, Hippolyte. Non, Louis Arsène. Louis Lévesque. Louis Hyacinthe. Louis Hyacinthe. Louis Lévesque. Oui, Louis Lévesque. Louis Lévesque. Oui, à elle. Elle. Le L, c'est Louis. D'accord. Alors, le lien entre la famille Lévesque et la forêt de Pimpon. C'est en 1875 que la forêt est achetée. À ce moment-là, c'est une forêt qui est justement destinée entièrement aux forges. On est bien dans une forêt qui a une destination industrielle. Prioritairement. Et on pensait à l'équilibre gibier-forêt à l'époque? Alors, ou c'est une question alors, moderne? La question est très intéressante. Pourquoi? Parce que elle va nous permettre de regarder que le fait que soit tombée l'activité industrielle ici, la fin d'activité industrielle, c'est aussi la coupure entre les forges et la forêt. La forêt va aller vers d'autres usages, alors qu'elle était entièrement taillée, réglée, avec des parcelles coupées tous les 20 ans, on coupait 300 hectares de taillis pour approvisionner les forges, c'est la fin de cette activité-là. Arrive à ce moment-là une activité sylvicole. Vous savez que je vous ai rencontré parce que j'ai enjambé une barrière qui vous appartient. Oui. Vous ne vous souvenez peut-être pas, mais j'ai franchi une barrière alors que de plus en plus c'est interdit et vous signalez que ça peut être dangereux. À la période de chasse. Ah, attends. Et c'était en haute forêt? Oui. Oui. Donc en fait, vous aviez un pantalon en daim. Vous étiez. Et voilà. Ah oui. Vous m'avez vu? Oui, je vous ai vu. On en a parlé. Vous m'avez expliqué. Voilà. Eh bien, c'est très bien. Voilà une excellente. Et voilà. Pourquoi? Parce que effectivement, ça, c'est la politique que nous avons arrêtée en fait en famille, à travers une association de propriétaires. L'objectif, c'est de concilier des intérêts différents. Donc l'intérêt à ce que la forêt reste privée, c'est-à-dire qu'elle soit l'objet d'une détention privée, mais qu'en même temps, étant donné qu'il y a une dimension patrimoniale sur Pimpon, dont les forges en sont un exemple, mais aussi les arbres remarquables, le Val-Sortour, l'Hautier de Viviane, le tombeau de Merlin, l'abbaye de Pimpon, tous ces éléments-là, méritent d'être connus du public et je crois que c'est aussi notre dimension sociale, une vocation sociale, de ne pas s'arrêter à la détention d'un bien, mais aussi d'en regarder tous les usages possibles, y compris pour le public. Ce qui arrive, ce qui explique aujourd'hui un développement touristique absolument phénoménal sur Pimpon, hein, et que nous avons géré de la manière suivante, donc des spots. Vous y accéderez en voiture, par contre, de lieu en lieu, vous pourrez comme ça constater tout l'intérêt du patrimoine pimpontais. Mmh. En tout cas, en ce moment, ce qu'on a senti, c'est que les locaux, les pimpontés, se sentaient quand même privés d'une libre circulation dans la forêt. Voilà, c'est ce qu'on entend. Alors, c'est très important, parce qu'on parlait de la vocation sociale du lieu, parce que c'est là que ça se joue. Il y a en fait, nous sommes dans une société dans laquelle les choses ont changé. Il y a un désir de nature. Donc il y a une volonté de pouvoir. Il faut qu'on puisse répondre à ce besoin de nature, qui est d'ailleurs exprimé par des pimpontins, mais qui peut être aussi exprimé par des gens des grandes métropoles, notamment, encore peut-être de manière encore plus forte, par les gens des grandes métropoles. C'est pour ça, d'ailleurs, que notre politique, et je pense que ça vous a été bien expliqué par des descendants de notre famille, c'est d'ouvrir des lieux. Quand on peut faire le tour des temps de pimpons, on est typiquement dans le genre d'accord où des propriétaires privés, des groupements forestiers familiaux d'ailleurs, ont accepté de renoncer à la possession personnelle de tout ou partie de leur patrimoine pour permettre cet usage collectif. Voilà. Mais nous sommes dans, effectivement, nous gardons la main sur l'organisation du public, mais en gardant la tranquillité, et on va voir le lien avec la forêt et la chasse, en gardant la tranquillité dans le cœur de la forêt. Je crois que c'est vraiment question de vivre en bonne intelligence dans une société, de ce point de vue-là, apaisée, qui réponde à ce souci du public. Bien sûr, donc c'est à force de convention, mais c'est au cœur de la vie pimpontaise, ce dialogue entre forestiers, usagers, habitants. On sent que ça peut toujours bouger, que ça peut être fragile. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, Monsieur Le Goualès demandait un petit bout de chemin communal en échange d'autres choses. Alors, je ne peux pas répondre à sa place, mais oui, effectivement. D'accord. Et il y a eu une histoire de troc d'un chemin que souhaitait obtenir M. Le Goualès en échange de... Oui, ça c'est réglé. Le problème est réglé. Il y a plus de... Le chemin reste communal, quoi. Donc la commune est intervenue et il n'y a plus de... Ce troc ne se fait plus, quoi. Donc on garde le chemin communal. C'était le dernier chemin qui permettait de sortir du bourg de Pimpon. Donc c'était très important. Quoi. D'accord. Monsieur Le Goualès voulait l'obtenir pour sa propriété, pour agrandir. Enfin, ça devait être stratégique, on ne sait pas. Je ne sais pas exactement. Je n'ai pas le fin mot de l'histoire. Je ne sais pas. Il vous le dira peut-être. Et la mairie était un moment d'accord pour lui céder en échange quelque chose. Qu'est-ce qu'elle voulait lui céder? Je crois que c'était pour avoir, donc c'était dans un but aussi touristique, puisque c'était d'avoir le tour du bourg côté est. Donc bon, ça s'est réglé parce qu'il y a des terrains qui appartenaient déjà à la mairie. Et puis tout ce que je sais, c'est que ce chemin de la gelée a été donc conservé dans le domaine communal. D'accord. Voilà. Le chemin de la Gelée, sa maison forestière, à Monsieur Le Goualès, s'appelle la Gelée, donc elle est à cet endroit-là. Oui, c'est juste à côté, quoi. Oui. Et c'est suite à ce litige-là que vous avez monté l'opposition, enfin le collectif? Effectivement, oui, on s'est quand même manifesté un peu, parce que, bon, il fallait quand même marquer un petit peu son territoire, quoi, de la population, quoi, vis-à-vis de demandes. Mais bon, les demandes peuvent venir de partout, hein. Ça peut être un particulier, ça peut être... C'est pas systématiquement la forêt privée, quoi, qui peut empiéter. Quoi. C'est où là? Ouais, c'est raté. Là, tout de suite, là? Ouais. C'est manqué? Oui. Bah oui. Pas par moi, mais... Pas de bol. C'est sorti où là? Là-bas? C'est sorti sur la butte complètement. Un cochon là? Non, ça a été sonné 6 coups. Hein? C'est une biche, je pense. Ça a été sonné 6 coups. Oui, mais il y a les chiens qui passent sur les sangliers, là. Oui, les chiens ont traversé, hein. Ah oui, là, on est chez vous. On est chez vous, Monsieur Le Goualès, et il y a un sentier de grande randonnée, un GR. Oui, exactement. Et de petites randonnées qui passent, c'est balisé. Oui. Oui, effectivement, ça, c'est un sentier, qui fait la liaison avec Plédan-le-Grand, qui part des Forges de Pimpon, qui vient ici, qui passe en forêt. Donc, c'est un GR qui passe ici. Et qui est ouvert l'été. Que vous comprenez bien qu'un jour comme aujourd'hui, avec une battue au gibier, c'est un peu incompatible qu'il y ait des gens à se promener à son voilà. T'as pas froid ? Non. Depuis quand, Yolande, tu profites de la forêt de Brocéliande, toi ? Ah, moi je suis arrivée à l'association depuis 1994. On est où ? Alors ici, là, nous sommes au bord de l'étang de Pimpon, tout simplement, hein, et qui se situe juste à côté de l'abbaye, quoi. Hein, qui fait l'abbaye, l'étang, et maintenant on peut faire le tour de l'étang. Les conventions sont avec les propriétaires forestiers sont établies une fois pour toutes ou faut les réviser et veiller à ce que elles soient maintenues. S'il n'y a rien à dire, elles sont maintenues comme ça. Régulièrement, des propriétaires de forêt, enfin les grands propriétaires, disent stop, vous ne passez plus par là parce qu'il y a un problème, donc je vous propose une déviation à gauche, à droite. Et ça, c'est notre gros problème parce qu'il faut sans cesse se réadapter, quoi. Ça nous bloque, quoi. Ça nous bloque énormément. Donc il y a un loisir qui l'emporte sur l'autre. Oui. Oui. Et une propriété, quoi. Propriété privée, quoi. Mais avant, on traversait les forêts. Alors, c'est très vieux. On traversait par les forêts. C'est très vieux. C'est du temps où les gens se déplaçaient à pied ou à cheval. Effectivement, ils avaient tendance à passer par les grandes lignes de forêt. C'était pas interdit à l'époque. Mais c'était pas limité, quoi. Le passage n'était pas limité, quoi. C'est limité depuis quand ? Alors, bon, l'usage des voitures a fait que les gens empruntent plus facilement maintenant les routes. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu une perte d'autonomie, d'utilisation du vélo et des pieds. Et donc ça s'est perdu. À la fois, les gens ont perdu l'habitude de se déplacer. Maintenant, ça revient. Hein. D'autant plus avec le tourisme. Mais c'est vrai que pendant un moment, bon, les gens ne voulaient pas tourner comme ça. Et petit à petit, la forêt, effectivement, s'est fermée. Alors, pour différentes raisons. Le problème, c'est que Pimpon, c'est une géographie particulière. Donc, il y a le centre-bourg, qui était uniquement l'abbaye dans le temps. Hein, donc c'était... Après, le bourg s'est construit autour de l'abbaye, mais dans le temps, en fait, les gens habitaient en périphérie. Donc il y a 4 ou 5 hameaux, des hameaux qui sont d'ailleurs assez éloignés, 4 ou 5 kilomètres. Et on est séparés par cette forêt qui maintenant, qui a toujours été une forêt privée d'ailleurs, mais qui maintenant, effectivement, pose des problèmes de pénétration, quoi, puisqu'on ne peut plus passer à travers la forêt aussi facilement qu'il y a 10, 20, 30 ans. Quoi. Donc, nous, le but, c'est effectivement, dans un premier temps, de conforter tous les chemins qui existent communaux encore sur la commune. Et donc, on a vu avec la municipalité, donc ils seraient d'accord pour faire un recensement de tous ces chemins communaux, de façon à les préserver vraiment pour l'avenir. Et le gros problème, c'est qu'on n'en a pas beaucoup qui sortent du bourg. On en a 2 ou 3, et encore, tout juste. Et donc, on est un petit peu coincé pour sortir du bourg. Donc dans un deuxième temps, ce qui serait quand même intéressant, ce serait d'avoir des possibilités donc de circuler le long des départementales ou des routes communales. Et pour l'instant, quand on le fait à pied ou en vélo, c'est pas sécurisé du tout. Donc. Et par exemple, l'été, les gens, ils hésitent à prendre leur vélo pour se balader, aller sur les sites. Quoi. Donc le but, ce serait éventuellement d'avoir soit une concession, soit par un moyen réglementaire quelconque, PLUI ou autre, d'avoir une petite bande le long de ces routes départementales ou communales. Alors ça serait un élargissement des chemins privés, des routes départementales. Mais un élargissement très léger, hein, c'est de l'ordre de 400 mètres de large. C'est un élargissement sur le domaine privé des propriétaires. C'est simplement une petite tolérance, je pense, qui ferait plaisir, je pense, à une majorité de Pimpontais. On cède un bout de terrain, j'ai calculé, ça fait à peu près 5 hectares. 5 hectares, c'est-à-dire 5 mètres par 10 kilomètres, 5 hectares... Il y a 7200 hectares sur la forêt de Pimpon. 5 hectares, c'est pas un millième. Donc, en plus, c'est souvent des terrains qui sont déjà déboisés complètement à cause des lignes électriques. Donc, l'impact, je dirais même au niveau sylviculture et autres, il est quasiment nul, puisqu'on est sur des terrains déjà dégagés. Quoi. Donc là, il y a combien de fusils autour de nous ? Alors, il y a 40 fusils. 44 aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est une battue cervidée et gros gibier, c'est gros gibier et sanglier. On a entendu une demande émaner de Pimpontais de faire de nouveaux chemins de traverse qui quitteraient Pimpon, mais ça empiéterait sur les propriétés privées. Ah non, je ne sais pas. D'accord. Moi, j'ai entendu parler de ça, à une réunion conseil municipal à Plélan, c'est tout, mais de plus, on ne sait rien. Mais je crois que c'est pas grand chose, c'est vraiment en bordure de parcelles. En bordure de route. Enfin, moi j'ai entendu Plélan, Pimpon déjà. Et qu'il y en avait une de prévue, Saint-Péran, Pimpon. Et que des propriétaires avaient signé. Enfin, y a un cochon de sortie qui va sur Plaisance là. Mmh. Et il remet. Les chasseurs du haut ne l'ont pas vu, c'est les chasseurs du bas de la ligne qui l'aperçoivent traverser. Ils sont allés récupérer les chiens et ils mettent sur la voie que Michael avait à descendre sur l'étang des Forges sous les houles. Ah oui. Je faisais souvent grève quand j'étais enfant d'être en forêt, à côté de la voiture de ma grand-mère et avec la présence d'un cerf. Vous n'êtes pas Saint-Hubert non plus. Je suis pas Saint-Hubert, mais c'est mon grand-père Hubert. Il s'appelait Hubert. On avait tous des prénoms forestiers. Voilà, je suis attaché familialement à cette forêt, quoi. Ah, ma grand-mère, elle adorait la chasse à cour. En fait, c'est assez particulier parce qu'elle suivait en voiture et elle était capable de. Elle s'arrêtait au bord d'une route et elle me disait. Regarde, le cerf va passer là. Elle connaissait tous les passages de cerf qui sont des animaux qui passent habituellement au même endroit. Et donc on se déplaçait en voiture, on allait d'un passage à l'autre. Quel est le type de voiture? C'est quoi comme voiture? C'était une R9 rouge. Donc il y a des personnes qui suivent en voiture, qui sont plutôt les suiveurs, qui n'ont pas de particules de noblesse. La plupart du temps. Et puis il y a ceux qui font vraiment la chasse à cheval. Donc on y allait toutes les semaines. Et dès l'enfance, on peut se rendre compte des rapports qui peuvent exister. Les différences entre être sur un cheval ou dans une voiture, notamment. Les rapports de ma grand-mère saluant les messieurs à cheval. Les paroles des filles des Forges, vous les connaissez, vous savez la chanter. Ce sont les filles des Forges. Pour conclure, on est passé de la messe de Saint-Éloi à la messe de Saint-Hubert, en gros. Ouais. Qu'a été un peu bousculé cette année, messe de Saint-Hubert à Pimpon. C'est un peu une incompréhension, c'est très très typique de débat de notre société aujourd'hui. Hein. La tour du bien-être animal et tout ça, ce sont des choses qui émergent, y compris moi je le vois chez mes propres enfants. Je veux dire, on n'échappe pas à son siècle et aucun d'entre nous n'échappe à son siècle. La possession de forestière, on disait, c'est une possession royale. Ou une position seigneuriale, ou une position ducale en Bretagne. Toutes les grandes forêts appartenaient au duc de Bretagne. Donc ça renvoie au pouvoir, ça renvoie à la richesse. Mais ça, c'est une vue, c'est un imaginaire qu'il faut déconstruire, parce que c'est pas la réalité. La réalité aujourd'hui, ce sont plutôt des passionnés de chasse qui sont aujourd'hui là, sur leur cheval, hein, et ce n'est pas un milieu au sens strict, même si, bien sûr, dans nos familles, du fait d'une tradition transmise, il y a nombre d'entre nous dans ces équipages. Mais ce n'est pas pour cela qu'il y a exclusion de qui que ce soit. Les personnes aujourd'hui qui veulent participer à ce genre d'équipage ont la possibilité de le faire et d'y mettre les moyens économiques qu'il faudra. C'est une période particulière où les avis sont très clivés, anti, pro-chasse, etc. Oui, et du coup, la messe de Saint-Hubert à Pimpon a été assez exceptionnelle cette année. Oui, je pense qu'il peut... Oui, c'est très, très dur à vivre pour moi. Voilà, je n'irai pas plus. Pardon, oui, allez-y. Parce que Alain, je vais... Oui. Bon, il chasse à tir, mais c'est un veneur aussi, tout d'abord. Hein, c'est-à-dire chasse à cour, quoi. Hein, au cerf. Là, ici, on est en train de débattre de la chasse à tir. La chasse à cour, je ne ferai pas de commentaires pour l'instant. Nous sommes arrivés sur ces événements assez frais qui ont fait peur, puisqu'il y a eu cette Saint-Hubert assez qui a défrayé la chronique. Et monsieur le curé a tenu à maintenir la messe. Ouais. C'était important, ça, non? De la maintenir. Oui, c'est très important, bien entendu. Il ne faut pas baisser les bras. C'est... Bon. Laissons le temps au temps. Ça symbolise quoi, le Saint-Hubert, pour vous? Ah ben, moi, c'est... C'est beaucoup de choses. J'en dirai pas plus. Chasseur, on vient d'aller chasser là avec monsieur Le Gualès. Ah oui, vous avez de la chance. En tout cas, pour finir là-dessus, le jour de la Saint-Hubert, de la messe de la Saint-Hubert cette année, il n'y avait pas de dialogue. Hein. C'était symboliquement, c'est très très fort. Oui. Les camps sont très marqués et personne ne s'entend. Il y a les trompes et les manifestants qui hurlent. Je ne sais pas si tu y étais. Non, je ne suis pas allée, mais je sais ce qui s'est passé, oui. Ben oui, parce qu'il y avait, c'était organisé par l'AVA, l'association anti-chasse à cour, là. Anti-vénerie, voilà. Même les gens, les autochtones, hein, ils en ont marre, hein, la chasse à cour le mardi, là, et des fois le samedi, où nous, on ne peut plus circuler parce qu'ils ont pris toute la route et puis qu'ils nous regardent comme si on était les gueux du 21e siècle et qu'ils nous engueulent, hein. Et ben... À la limite, la pratique, les gens, et je pense qu'ils seraient assez tolérants sur la pratique, mais c'est l'attitude des chasseurs à cour, qui est vraiment condescendante sur les gens du pays. C'est pas un spectacle populaire. Ah non, je crois pas, non. Non, je crois pas que c'est resté un spectacle populaire. Non. Parce que déjà, les gens qui avaient un rapport avec la forêt, donc avec leurs propriétaires, était un peu subordonné, monsieur le comte, hein, quand on discute encore avec des vieux, c'est encore monsieur le comte. Hein. Donc la grand-mère de Laurent, elle était peut-être un peu comme ça. Donc c'était la pauvre petite femme du pays qui savait bien baisser les chines, quoi. Sauf que maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. Il y a beaucoup de néo-ruraux ici, hein, de gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent de villes et qui ne veulent pas se baisser les chines. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils sont propriétaires qu'ils font de la chasse à cour. Voilà, qui sont au-dessus de nous. Bonsoir. Et votre relais de chasse, il se trouve où par rapport ici? Il est du côté de Papon. Ah, il est du côté de vous. Oui, sur la route de Saint-Péran. Du sanglier. Les gens mangent la galette saucisse et puis ils s'en vont après. C'est Dédé qui fournit. Vous connaissez Dédé? Les cuissons sont là. Quand vous voulez les voir, c'est pas un problème, on peut faire un étalage. Hein. Tiens, voilà le déant. Ah, monsieur le déant! Vous amenez les galettes? Fange de pampon, les gridons, les fange de pampon, les gridons, elles s'en vont à confesse. Promenons-nous dans les bois quand le chasseur n'y est pas. Un documentaire de Marie Guérin et de Guillaume Baldi. Mixage, Alain Joubert. Merci à Anne Brulant, documentaliste à l'INA, pour sa recherche dans la forêt d'archives. Vous demandez pardon,